Madame Marneff entra, vit son mari jouant avec Revel et le baron, tous trois seuls dans le salon. Elle comprit, au seul aspect de la figure du dignitaire municipal, toutes les pensées qu'il avait agitées. Son parti fut aussitôt pris. « Marneff, mon chat !» dit-elle en venant s'appuyer sur l'épaule de son mari et passant ses jolis doigts dans des cheveux d'un vilain gris sans pouvoir couvrir la tête en les ramenant. « Il est bien tard pour toi, tu devrais t'aller coucher. Tu sais que demain il faut te purger, le docteur l'a dit, et Reine te fera prendre du bouillon aux herbes dès 7 heures. Si tu veux vivre, laisse-la ton piquet. » « Faisons-le en 5 marqués ?» demanda Marneff à Crevel. « Bien, j'en ai déjà 2, » répondit Crevel. « Combien cela durera-t-il ? » demanda Valérie. « 10 minutes, » répliqua Marneff. « Il est déjà 11 heures, » répondit Valérie. « Et vraiment, monsieur Crevel, on dirait que vous voulez tuer mon mari. Dépêchez-vous au moins !» Cette rédaction à double sens fit sourire Crevel, Hulot et Marneff lui-même.